D'abord, chez moi, à l'époque de la proclamation de l'indépendance, il y avait trois partis. Il y avait le PRA, il y avait le MLN et il y avait le RDA. Je ne me souviens pas avoir porté dans ma constitution une atteinte quelconque à la liberté des partis. Seulement, un seul parti a été amené à être supprimé par moi-même. C'est le PRL, c'est le parti de Nazi Boni. Parce que il a dit que son parti a pour objectif de créer la République autonome de l'Ouest, une sécession. Oui. Et comme je n'entendais pas affronter une telle affaire, j'ai préféré supprimer son parti, immédiatement, par décret, avec les motivations. Mais les autres partis sont demeurés. Donc, du fait qu'on ne les ait pas supprimés, suppose que nous les avons admis démocratiquement. Maintenant, en ce qui me concerne, quand j'ai fait les élections qui devaient installer la nouvelle Assemblée, on aurait 75 députés. Et il s'est trouvé que mon parti, à l'époque, a eu 65 députés. Donc les deux autres partis qui restaient n'ont eu que 10 députés. Ils se sont dilués d'eux-mêmes dans le RDA et tout. Et puis finalement, on est arrivé au parti unique par voie de fait. C'est dans la même émission que témoigne à son tour le Béninois Hubert Maga, président de son pays, le Dahomey de l'époque, de 1960 à 1963.